Chapitre 2. Le Rhône. Lorsque le petit veau fut plus vieux de quelques jours, il monta un soir sur la digue, derrière le vieux tamaris où il était né. Voici comment cela lui arriva. Jusque-là, son horizon sans fin vers l'Orient s'était trouvé borné de ce côté par cette terre élevée qui lui paraissait inaccessible. Un jour que sa mère l'avait laissé sous son tamaris tutélaire, après son repas de midi, pour s'en aller brouder par la Sansouire, il s'endormit au chaud d'un rayon de soleil. Quand il se réveilla, tout lui sembla misérable. Il ne faisait pas encore nuit, mais la lumière s'en allait. Non pas, entendez-vous, la lumière du jour, mais la sienne, la seule qui compta pour lui, celle directe du soleil. Il chercha un moment, soudain inquiet, où son astre pouvait bien être parti, et fit quelques pas vers une place écartée où il voyait encore la trace d'un rayon. Quand il y fut, il s'arrêta et se retourna vers son grand ami. Il l'aperçut vite, tout près de la digue là-bas. Il lui sembla que l'astre voulait se reposer ou peut-être disparaître derrière. Alors le veau eut peur, grand peur de perdre son soleil. De toute la vitesse de ses jeunes jambes, titubant aux embûches des enganes et des racines, il courut vers le levadon. Note, levadon, levée de terre au bord des digues et des roubines. Fin de note. Il se trouva plongé dans l'ombre, mais il n'en eut cure. Il savait bien, parbleu, que le soleil n'était pas parti et qu'il était au-dessus, sur la digue. Puisque le soleil était là-haut, le bouvillon estima qu'il devait l'y aller retrouver, quelque effort que cela pût lui en coûter, tout de suite. Il meugla plaintivement, éternua deux fois, comme pour s'éclaircir les idées, tendit en avant son petit mufle humide, leva sa queue et commença vaillamment l'escalade. Les premiers pas, cela alla très bien, mais la tâche était rude et les difficultés nombreuses. On ne se figure pas, lorsqu'on voit un grand taureau gravir en trois bonds la digue, ce qu'il faut de temps, d'énergie et de conviction à un tout jeune veau pour y parvenir. Mais qu'importait à la petite bête? Il peina, vacilla, donna de grands coups de rein en s'agrippant nerveusement de ses petits sabots au sol glissant, chancela sur une touffe de roquettes jaunes, trébucha dans une petite engane traîtresse, mais rien n'aboutit à sa volonté et il finit par arriver au sommet du monticule. Note, roquette jaune, six cimbres à feuilles menues, plante herbacée annuelle à petites fleurs jaunes, à saveur amère, de la famille de crucifères, tribu des Saint-Cybriers, poussant parmi les décombres et au bord des chemins, dans les sols pauvres, appelés vulgairement en français herbe au chantre, car le sirop auquel elle sert de base dissipe l'enrouement. Il fut bien récompensé de sa peine, allez, car il retrouva là son ami, son vrai père nourricier, celui qui, plus encore peut-être que sa mère, était pour lui le véritable dispensateur de la source de vie. Alors le jeune taurillon se coucha de tout son long en travers du chemin qui couronne le grand levadon et il regarda longtemps, longtemps, son ami retrouvé. Il ne l'avait jamais vu ainsi, si bas sur l'horizon et si beau. C'était bien plus splendide encore que lorsque le matin, il se lève et paraît au-dessus des montagnes, là-bas, vers Salon de Provence. Il semblait encore plus grand et plus rouge, et tout autour de lui était rouge aussi. En bas de la digue, du côté opposé à celui par lequel le veau était monté, il y avait une chose lumineuse qu'il n'avait jamais vu encore. Cela était comme la terre, continue et compacte, et cependant cela remuait. Cela remuait le long d'une quantité d'herbes hautes et grêles qui se balançaient au souffle du vent, et cela chantait sans cesse une chanson bien douce et bien monotone. Le bouvillon pensa que c'était peut-être une bête énorme et curieuse. Il la considéra longuement, sans comprendre et sans savoir au fond ce qu'il fallait faire. Tout d'un coup, ses regards, qui avaient été captivés par cette chose qui bougeait, retournèrent au soleil. Il le vit pour la première fois d'un rouge qu'il ne lui connaissait pas. Il semblait comme écrasé et distendu en largeur, et il allait justement toucher cette chose qui bougeait en bas du Lévadon. Il la toucha bientôt, et il apparut comme un nouveau soleil, qui était très long, au lieu d'être rond. Et puis, le petit taureau, malgré sa fatigue, se mit debout d'un bond, car cette chose qui remuait et qui chantait, cette chose plate en bas, elle mangeait son soleil. Il meugla de désespoir, souffla, gratta le sol du pied, fit deux ou trois sauts sur place, la tête baissée, les jambes raides et la queue en l'air, pour faire peur à ceux-là qui dévoraient son astre si cher. Le veau avait, dans sa bien jeune vie, déjà vu sa mère manger les plantes et les larges feuilles des roseaux. Il avait vu les lapins grignoter les longues herbes qui s'enfoncent dans leur bouche et y disparaissent peu à peu. C'était bien cela qui se passait maintenant. La chose d'en bas était en train de grignoter le soleil. Si le jeune taureau n'intervenait pas, s'en serait sûrement fait de l'astre si bon qu'il ne reviendrait plus. Alors il toussa deux fois, parce qu'il l'étranglait de colère, baissa sa petite tête en soufflant et, aussi vite qu'il le put, se précipita vers cette énorme chose inconnue qui engloutissait son grand ami. Il dégringola la berge plus vite qu'il ne l'aurait voulu et ses pieds firent jaillir l'eau comme il y pénétrait brusquement. Il ne savait pas ce que c'était que l'eau et il en fut étrangement surpris, sinon effrayé. Mais il eut cependant la satisfaction de voir que, pour être disparu dans le courant, ses jambes ne lui en obéissaient pas moins. Petit-fils d'animaux, qui avait de tout temps traversé vaillamment le Rhône, il reconnut à son contact l'eau dès qu'il la toucha. Il la flaira, en but une gorgée, avança dans le courant. Il avait compris son erreur, et que ce n'était pas une bête énorme et dévorante, mais quelque chose de très grand et très fort, et d'une puissance mystérieuse et formidable. Il n'en eut cependant aucune crainte, car l'atavisme parlait en lui et lui indiquait très exactement tous les gestes et tous les mouvements qu'il devait faire. Si vous prenez un bébé de quelques mois et que vous l'abandonniez dans une simple baignoire, il coulera à pic et s'y noiera si nul ne vient à son secours. Mais un bébé taureau, lui, n'hésite pas. Il sait que l'eau peut le porter et ce qu'il lui faut faire pour nager. Aussi le petit veau ne balança pas à pénétrer dans le courant et à partir à la nage. D'ailleurs, voici que maintenant qu'il avait sa tête presque au niveau de l'eau, le soleil semblait se rapprocher tout à coup de lui. Il scintillait sur la crête des petites vagues et s'en venait mourir dans un miroitement féerique à peu de distance de son mufle. Le petit veau se dit qu'il lui fallait s'en aller là où c'était rouge, et il s'efforça dans cette direction. Mais il peinait beaucoup pour avancer, car il n'était pas encore très habile, et le soleil semblait se retirer devant lui en s'enfonçant dans le fleuve, comme pour dire « Viens, petit taureau, viens-t'en avec moi, où je vais ?» À ce moment, il y eut un galop sur la digue, et deux chevaux blancs tout dorés par les reflets du soir, accoururent, bride abattue, jusqu'au-dessus du point où essayait de nager le petit taureau. « Voyez, maître, dit l'un des deux hommes qui montait les chevaux, voyez, c'est le petit veau de Provenceau qui prend un bain. » Note, Provenceau, Provence, nom d'un taureau célèbre qui fut le père de Sangar. Fin de note. « L'étrange chose qu'un tel amour de l'eau, répondit l'autre qui était le pelot de la manade. Note, Pelot, maître propriétaire, patron dans la région d'Arles. Le Pelot est le propriétaire de la manade dont fait partie Sangar. Fin de note. Deuxième note, manade, troupeau de taureaux ou de chevaux à demi-ouvrage. Fin de note. Vois, on dirait qu'il veut traverser le Rhône. Regarde s'il force et s'il travaille pour s'éloigner du bord, ma parole. Il nage déjà comme un taureau. Allons le rattraper, ou il risque de se faire entraîner par le courant. » Les deux hommes firent descendre le talus de la digue aux chevaux. Ceux-ci, en touchant le Rhône, et comme les cavaliers les y faisaient pénétrer, tout droit vers le veau qui s'éloignait, humèrent une rapide gorgée bien fraîche. Ils avancèrent rapidement, car ils avaient pied, et purent vite atteindre le petit taureau, tout ébahi de leur arrivée et de leur intervention. Il eut peur qu'ils ne voulussent eux aussi se saisir du soleil et l'en priver encore. Alors il se hâta, faisant jaillir l'eau dans ses mouvements désordonnés et maladroits. Le pelot et le gardien riaient de cette chose curieuse de voir un petit taureau d'un mois à peine s'en aller comme ceci bravement à la conquête du Rhône. Note: gardien, gardien, pasteur des troupeaux de taureaux et des chevaux sauvages, pâtre de bêtes de combat. Fin de note. Le gardien, s'inclinant sur sa selle, à la hauteur du fugitif, le saisit à pleine main par la peau du cou et voulut le placer à travers l'encolure de son cheval pour l'emporter plus facilement au rivage. Mais le bouvillon s'agita désespérément en cherchant à échapper à la main qui le tenait, et pendant ce temps, l'eau jaillissait de tous côtés en grandes gerbes de rubis. Il glissa de la main du gardien et tout de suite revint à la nage vers l'endroit où le soleil venait de disparaître. « Voyez, maître, dit le bouvier, si cet animal-là sait nager, il se démène et avance comme un véritable taureau. Il ne me souvient pas d'avoir jamais vu pareille passion chez un veau de cet âge. Bon Dieu, on dirait un poisson, ajouta-t-il en le rempoignant plus solidement par la peau du cou et en le saisissant à la queue de la main droite pour le jeter sur son pommeau. Le veau meugla et se débattit de plus belle, mais cette fois, il était bien empoigné. Il se débat comme un poisson que l'on vient de pêcher, dit le gardien. L'étonnant taureau qu'il sera! En a-t-il du courage, ce veau-là? Le voici baptisé maintenant. Au fait, ajouta le manadier, il n'a pas encore de nom, ce petit. Il faudra lui en donner un de poisson, puisqu'il aime autant l'eau. Il nage, frétille et se débat comme un gardon, dit le bouvier, qui était un homme du Languedoc. Les gardons, sans gare, on les appelle ici. Eh bien, déclara le pelot, comme les chevaux sortaient en s'ébrouant et en faisant claquer leur queue pour les égoutter. Puisqu'il en est ainsi, nous l'appellerons le chevaine, et nos gens le nommeront Sangar. Note: manadier, propriétaire d'une manade. Note 2, chevaine, gardon en provençal. Fin de note. Et voilà comment Sangar fut baptisé pour avoir voulu traverser le Rhône à la recherche du soleil qui s'en allait. Fin du chapitre 2 de Sangar Taureau.